Perdant magnifique, moi j'ai fait la diff dans le temps additionnel. J'mets la famille avant le bif, mais vu qu'il faut du bif, moi j'ai perdu le sommeil. J'suis tout en or, sans moi y'a tous les regards, ouais. Depuis le début, moi j'disais, j'vais le faire tout ou tard, ouais. Descends-moi, j'reviens beaucoup plus fort, ouais. Moi j'ai compté mes liasses, ils ont compté mes torts, ouais. Moi j'ai gagné la couronne, fini meilleur buteur du tournoi. Et ils sont bons qu'à me souhaiter des tourments. Rien ne vaut le sourire de ma main, ouais. C'est pour ça que j'ai la dalle, ouais. C'est pour ça que j'ai la dalle, ouais. Moi, personne m'a fait la passe, ouais. Donc j'ai gardé la balle, ouais. Et j'ai traversé tempête, jalousie et faux amis. Mais je suis toujours là, je suis tout en Gucci, tout en damier. J'ai noirci le cahier, quitté la cahier. Quand faut y aller, j'ai qu'un seul choix. Je veux entendre Attic boumailler. Adios, adios. Adios, adios. Adios, adios, ni la vida. Adios, adios. Miroir, dis-moi tout. Qui sont mes amis? Maman, j'ai fait le plein pour faire le vide dans la nuit. Miroir, dis-moi tout. Qui sont mes amis? Maman, j'ai fait le plein pour faire le vide. J'ai déposé les armes, arrêté de faire la guerre. À part ça, rien de nouveau. De l'argent, toutes des couleurs pour soigner mes douleurs. On me compare à Uno. Je pense que le temps est compté, je dois rester focus, besoin d'un avocat. Très peu d'amis, toujours le dernier mot, demande à Jean-Pierre Foucault. Une fois que c'est mort, une fois que c'est chaud, prends tes valises et s'il te plaît, ne reviens pas. Une fois que c'est mort, une fois que c'est chaud, prends tes valises et s'il te plaît, ne reviens pas. J'ai sorti l'étal, et l'engin est rentré. Et si tu veux, on peut jouer à celui qui brille le plus. J'ai sorti la placard quand l'argent est rentré. Et si tu veux, on peut jouer à celui qui brille le plus. Adios, adios. Adios, adios. Adios, adios. Adios, adios.